إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، on continue ce soir la lecture et l'étude du livre de l'unicité, Kitab al-Tawhid, écrit par l'imam Muhammad ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous en sommes aujourd'hui au chapitre 33, dans lequel l'auteur rahimahullah ta'ala nous parle d'un sujet très important pour le croyant, qui est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des adorations les plus immenses. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ce chapitre dans ce livre. Car le tawakkul, le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Étant donné que c'est une adoration, il est obligatoire de l'avouer exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et il est strictement interdit de l'avouer à autre que lui. Car, comme on a dit, l'adoration, c'est un droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quiconque place sa confiance en autre qu'Allah, il a certes donné des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, comme on va le voir, inshallah ta'ala. Donc à partir du moment où tu as la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique, et que tu lui voues un culte exclusif, il va de soi que tu vas placer ta confiance en lui, et t'en remettre à lui seul subhanahu wa ta'ala, pour obtenir les choses que tu recherches et que tu désires, et également pour repousser ou dissiper les choses dont tu as peur et que tu crains. Et tu ne vas pas t'en remettre à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Donc le tawakkul, que l'on traduit par le fait de placer sa confiance en Allah, cela consiste à s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce que l'on souhaite et repousser ce que l'on craint, tout en ayant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et en faisant les causes qui sont permises. Ceci et la définition du tawakkul. S'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce que l'on souhaite et repousser ce que l'on craint, en ayant confiance en lui subhanahu wa ta'ala et en faisant les causes qui sont permises. On voit donc à travers cette définition que le tawakkul, il repose principalement sur deux choses. La première est dans s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce de manière réelle et véridique. Et la deuxième chose, c'est de faire les causes qui sont permises. Par conséquent, celui qui, par exemple, va faire des causes et va s'en remettre à ces causes, c'est-à-dire que, principalement, il s'en remet et se repose sur les causes qu'il accomplit, alors celui-ci, sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, est affaiblie. Car c'est comme s'il avait fait de la cause la base sur laquelle il pouvait se reposer pour obtenir ce qu'il souhaite et repousser ce qu'il craint. Donc pour concrétiser la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois faire les causes, mais tu ne dois pas t'en remettre à ces causes. Tu dois avoir la ferme conviction que ces causes ne sont que des moyens pour atteindre ton but. Et tu t'en remets à Allah subhanahu wa ta'ala qui est celui qui a créé ces causes et qui te les a facilitées. Et tu sais que toute chose est entre ses mains subhanahu wa ta'ala. Inversement, celui qui s'en remet à Allah subhanahu wa ta'ala mais qui ne fait pas de causes, alors celui-ci, son comportement, il s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah, il a donné pour chaque chose une cause. Donc celui qui prétend s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qui délaisse toutes les causes, alors son agissement s'oppose à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala, il a lié chaque chose à sa cause. Il est donc indispensable de faire les causes. Comme celui, par exemple, qui voudrait avoir des enfants et qui dit « Je place ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir des enfants », mais il ne se marie pas. Il n'y a pas de doute que son comportement est contraire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a aucun sens. Pour atteindre cet objectif, il est indispensable qu'il fasse les causes. En l'occurrence ici, qu'il se marie. Puis ensuite, il ne s'en remet pas à cette cause. Mais il place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala pour obtenir ce qu'il recherche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et notre modèle et notre référence en termes de tawakkul. Et il était celui dont la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala était la plus parfaite. Malgré cela, il faisait des causes. Par exemple, lorsqu'il voyageait, il prenait avec lui des provisions. Il ne partait pas sans provision en disant je place ma confiance en Allah. Également, lorsqu'il se rendait à des batailles, il prenait des armes, des munitions, de quoi se protéger. Lorsqu'il est parti à la bataille de Uhud, il avait deux boucliers, sallallahu alayhi wa sallam. Également, lorsqu'il a fait la hijra, il a pris avec lui un guide pour lui indiquer le chemin. Et tout ceci fait partie des causes. Et ceci ne s'oppose en rien au tawakkul. Au contraire, cela fait partie de la concrétisation du tawakkul. Que tu accomplisses les causes pour atteindre ton objectif. Mais tu ne t'en remets pas à ces causes. Tu as la ferme conviction que ce ne sont que des moyens et que tout est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawakkul, comme l'ont dit les gens de science, il représente la moitié de la religion. En effet, médite sur ce verset immense que tu récites dans chacune de tes prières. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous demandons l'aide. Tu demandes donc l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala en t'en remettant à lui afin de pouvoir l'adorer. Car si Allah subhanahu wa ta'ala ne t'aide pas à l'adorer, tu ne pourras pas concrétiser ce but. Tu demandes donc son aide et tu places ta confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un autre verset, Fa'budhu wa tawakkal alayh. Adore-le et place ta confiance en lui. Et ceci nous indique qu'il n'est pas possible de concrétiser, de réaliser l'adoration, si ce n'est en plaçant notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci implique nécessairement le fait d'implorer son aide. Car celui qui est abandonné à lui-même, celui qui est abandonné à sa faiblesse, à son incapacité. Il n'y a pas de doute qu'il ne sera pas en mesure d'accomplir quoi que ce soit parmi les adorations. Donc, quand tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois être conscient que tu n'arrives à l'adorer que par son aide subhanahu wa ta'ala. Et quand tu vas pour accomplir une adoration, tu fais donc les causes pour accomplir cette adoration et tu implores son aide et places ta confiance en lui subhanahu wa ta'ala. Ainsi, tu obtiendras la récompense de cette adoration, avec en plus la récompense du tawakkul, la récompense du fait d'avoir placé ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais malheureusement, la plupart du temps, beaucoup d'entre nous ont raison de la faiblesse de notre confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Nous ne sommes pas conscients de cela lorsque nous accomplissons nos adorations. Et nous ne sommes même pas conscients de cela lorsque nous accomplissons des actes ordinaires. Nous n'avons pas conscience que sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne serions pas capables d'accomplir cela. Mais bien souvent, on se laisse tromper par les causes apparentes. Et on pense que si les causes sont présentes, alors on pourra accomplir telle ou telle chose. Mais que si les causes sont absentes, cela sera impossible. Et ceci provient d'un manque de certitude, d'un manque de foi et d'un manque de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et le tawakkul, il se divise en trois catégories. La première catégorie, c'est le tawakkul qui est une adoration, qui est accompagnée d'humilité et de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il consiste à placer totalement et de façon absolue ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant la ferme conviction que c'est lui qui apporte le bien et qui repousse le mal. Tu t'en remets à lui donc de façon complète, tout en étant conscient que tu es dépendant de lui et que tu as besoin de lui, subhanahu wa ta'ala. Ceci est le tawakkul d'adoration, qu'il est obligatoire pour nous de ne vouer qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et celui qui voue cette forme de tawakkul à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors il a commis du shirk akbar, du polythéisme majeur qui le fait sortir de la religion de l'islam. Comme le font ceux qui s'en remettent aux vertueux parmi les morts et les absents, aux tombes et aux mausolées. Il souhaite avoir un enfant, il se rend auprès de cette tombe, auprès de ce mausolée, il invoque ce mort, lui demande de lui accorder un enfant, et il a confiance en ce mort, il place sa confiance en lui, il a la conviction que ce mort est capable de répondre à sa demande. Et il n'y a pas de doute que ceci fait partie des formes les plus apparentes de polythéisme majeur, et que celui qui se rend coupable de ce grave péché n'est pas musulman. Même s'il fait ses cinq prières, qu'il jeûne chaque jour et qu'il prie chaque nuit, ceci ne lui est d'aucune utilité tant qu'il commet du polythéisme majeur. Donc cette forme de tawakkul, elle ne doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième catégorie de tawakkul, qui elle relève du polythéisme mineur, du shirk asghar, c'est de s'en remettre à une personne dans le but d'obtenir de quoi vivre, de l'argent, de quoi manger, ou autre parmi les choses. Si tu t'en remets à une autre personne, dans le but d'obtenir ta subsistance, comme un patron qui va t'employer, ou alors un riche qui va t'aider, et ainsi de suite. Si tu t'en remets à lui de sorte à ressentir une forme de sentiment de dépendance et de besoin de cette personne, de sorte à penser que sans lui tu ne pourrais pas vivre, que sans l'argent qu'il te donne, tu ne pourrais pas acheter à manger, que sans ce travail qu'il t'a donné, tu n'aurais pas de revenus. Alors ceci relève du polythéisme mineur. Et comme on l'a mentionné dans un cours précédent, telle est la situation de nombre de personnes qui ont ce sentiment de dépendance vis-à-vis des aides sociales qu'ils peuvent toucher dans certains pays, au point de penser qu'il n'est pas possible de vivre sans ces aides, oubliant que ceci n'est qu'une subsistance qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que cette forme de shirk, elle est très subtile, et qu'elle peut se retrouver chez beaucoup de personnes. C'est pour cela, comme on le dit depuis que l'on a commencé ce livre, qu'il est indispensable pour nous de sans cesse étudier le tawhid afin de pouvoir le concrétiser et le mettre en pratique, et d'étudier le shirk afin de pouvoir s'en écarter et s'en préserver. En effet, ce genre de paroles, elles sont courantes sur les langues de beaucoup de personnes. Ils ne se rendent pas compte de la gravité de cela. Comme ceux qui, lorsqu'ils obtiennent un travail à longue durée, un bon poste avec un beau salaire, ils pensent que sa subsistance est assurée. Et cet attachement à cet emploi et le fait qu'il se sente dépendant de celui-ci, cela va le conduire à quoi? Cela va le conduire à tout faire pour ne pas perdre cet emploi, car il s'en sent dépendant. Donc, il va être amené peut-être à faire parfois certaines concessions, à être complaisant. Pourquoi? Car il a peur de perdre ce moyen d'obtenir sa subsistance. Et il se sent dépendant de cet emploi. Et ceci, comme on a dit, provient d'une faiblesse dans la foi, et notamment dans la certitude et la confiance en Allah. Subhanahu wa ta'ala. Car celui qui place réellement sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, il ne se sent dépendant de personne parmi les hommes. Son employeur, il sait que c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Son salaire qu'il reçoit, il a la ferme conviction que c'est une subsistance qui lui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il reçoit des aides, que ce soit par un état ou par une personne riche, des gens qui lui donnent l'aumône, il sait que cela provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne se sent donc pas dépendant des gens, mais il a la ferme conviction qu'ils ne sont que des causes. Et sa confiance, il la place seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que si Allah subhanahu wa ta'ala ne lui donne pas sa subsistance de cette manière, alors il lui donnera avec certitude d'une autre manière, et il fera les causes légiférer pour cela. La troisième forme ou la troisième catégorie de tawakkul, c'est le fait de s'en remettre à une personne pour qu'elle accomplisse une tâche qu'on lui a confiée. Comme par exemple que tu confies à une personne la tâche de vendre des marchandises que tu souhaites vendre, ou alors de t'acheter une marchandise, et ainsi de suite parmi les tâches qu'on peut confier. Et en cela, il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. Car tu ne t'en remets pas complètement à cette personne, mais tu lui confies seulement une tâche, et tu ne te sens pas dépendant de cette personne. Et il n'y a pas de gêne en cela, inshallah ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de confier certaines tâches à certains de ses compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Lors de son pèlerinage, il a confié la tâche à Ali, radiyallahu ta'ala anhum, de sacrifier ce qui lui restait de son offrande. Également, il avait confié la tâche à Abu Huraira, de l'aumône, et ainsi de suite, parmi les tâches qu'il confiait à ses compagnons, sallallahu alayhi wa sallam, wa radiyallahu ta'ala anhum. Donc la différence entre cela et la catégorie précédente, c'est que celui de la catégorie précédente, il se sent dépendant de la personne qui a été la cause pour qu'il obtienne sa subsistance, de quoi manger, de quoi vivre, ainsi de suite. Tandis que celui-ci, il confie simplement une tâche à quelqu'un, et il ne place pas sa confiance en lui. Il ne s'en remet pas totalement à lui. Il lui a simplement confié une tâche, et il attend de lui qu'il accomplisse cette tâche. Et il n'y a pas de gêne, inshallah ta'ala. On voit donc à travers tout cela que le tawakkul, il fait partie des rangs les plus élevés de l'adoration, et qu'il est obligatoire pour nous de placer notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala en toute chose, pour tout objectif que tu souhaites atteindre, que ce soit une adoration que tu souhaites accomplir. Tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et implores son aide afin qu'il te facilite tout en faisant les causes pour accomplir cette adoration. Que ce soit pour une chose de la vie mondaine, tu souhaites obtenir de l'argent, tu fais les causes pour avoir un travail, faire du commerce ou autre parmi les causes pour obtenir cela. Et tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala tout en implorant son aide. Et tu ne t'en remets pas à ces causes. Et parmi les choses les plus importantes qui vont t'aider à concrétiser le tawakkul, à placer ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala de façon absolue et de la meilleure manière, c'est le fait de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de connaître ses noms, de connaître ses attributs, d'avoir la certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le riche par excellence, Al-Ghani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seigneur de cet univers, qu'il administre tout dans celui-ci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui procure le bien et qui repousse le mal. Plus tu vas connaître Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs, plus ta foi va augmenter, plus tu auras la certitude, plus tu pourras concrétiser la confiance que tu places en Allah subhanahu wa ta'ala. Le cheikh rahimahullah ta'ala, il a donc mentionné dans ce chapitre quatre versets ainsi qu'une parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma afin de nous démontrer que le tawakkul est une adoration que l'on doit vouer qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier verset est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 23 de sourate Al-Ma'ida. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. Et en Allah, placez votre confiance si vous êtes croyant. Médite sur l'ordre des mots dans ce verset. Et en Allah, placez votre confiance. Il n'a pas dit وَتَوَكَّلُوا عَلَى اللَّهِ et placez votre confiance en Allah. Mais il a dit wa 'ala Allah fatawakkalu et en Allah placez votre confiance. Les gens du tafsir ont expliqué que ceci nous indique que la confiance ne doit être placée qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire placez votre confiance en Allah et non pas en autre que lui. In kuntum mu'minin si vous êtes croyant, c'est-à-dire que si vous êtes réellement croyant, alors vous placerez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci nous indique que le tawakkul, il fait partie de la foi. Et c'est même, comme l'ont mentionné les gens de science, une condition de validité de la foi. C'est-à-dire que celui qui ne place pas du tout sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, et qui place sa confiance en autre que lui, comme on l'a dit, comme ceux qui placent leur confiance dans les morts et les mausolées, alors ceux-là n'ont pas du tout la foi. Et ne sont pas du tout croyants, car ils ont commis du shirk akbar, du polythéisme majeur. Quant aux croyants qui souffrent de certaines faiblesses et qui tombent dans certains interdits en raison de son manque de foi et de son manque de certitude, comme on l'a mentionné pour la deuxième catégorie de tawakkul, alors ce verset nous indique que son agissement s'oppose à la perfection de la foi. C'est-à-dire que s'il avait atteint la perfection de la foi, il aurait placé sa confiance seulement en Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala nous a mentionné un deuxième verset, qui est le verset 2 de Surat al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Les croyants sont ceux qui, lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur frémissent. Et lorsqu'on leur récite ces versets, cela fait augmenter leur foi. Et en leur Seigneur, ils placent leur confiance, ceux qui accomplissent la prière et dépensent de ce que nous leur avons accordé. Ce verset, c'est un verset immense, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous donne les caractéristiques des vrais croyants. Car il commence ce verset en disant « innamal mu'minun », c'est-à-dire « les croyants ne sont que ceux qui remplissent les cinq caractéristiques suivantes ». C'est-à-dire que pour concrétiser la foi et pour atteindre sa perfection, il est indispensable que tu te pares de ces cinq attributs qui sont mentionnés dans ce verset. Le premier, الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. Ceux qui, lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur frémisse. C'est-à-dire qu'ils ont peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, étant donné qu'ils le vénèrent. Et telle est la situation du croyant lorsque son âme a un penchant pour un péché. S'il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'on le lui rappelle, cela engendre en lui de la peur. Alors il délaisse ce péché. Il s'en écarte et s'en éloigne. S'il est en train de commettre un péché, et que quelqu'un lui dit « Ittaqillah », crains Allah, alors il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et le craint. Et cela le pousse à délaisser ce péché, si c'est réellement un croyant. Car ceci fait partie des signes de la foi. Non pas comme ceux qui, lorsqu'ils font des péchés, des désobéissances, tu souhaites t'entraider avec eux dans le bien, leur interdire le mal, tu leur appelles à l'ordre, tu lui dis « Crains Allah, mon frère, ceci est interdit, ceci est un péché », et tu lui dis cela dans son propre intérêt, afin qu'il délaisse ce péché, qu'il ne commette pas ce péché, qu'il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en le délaissant et en se repentant. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'enorgueille. Certains vont te dire « Et toi, tu crains Allah? Tu penses que tu es meilleur que moi ?» Est-ce que c'est un comportement qui convient pour un croyant de se comporter de la sorte lorsqu'on lui rappelle la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce ainsi que l'on révère Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce ainsi que l'on se comporte avec le Seigneur des mondes subhanahu wa ta'ala? Les croyants ne sont que ceux qui, lorsqu'on leur rappelle Allah, leur cœur frémissent. La simple mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle doit te rappeler à l'ordre, t'empêcher de prononcer ce genre de paroles, qui sont des paroles viles, des paroles très graves, qui ne sont pas insignifiantes. Donc lorsqu'un de tes frères ou une de tes sœurs te rappelle à l'ordre, lorsque tu es en train de commettre un péché, si tu as fait quelque chose qui n'est pas convenable, qui s'oppose à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, fais preuve d'humilité. Rappelle-toi la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ne méprise pas cette personne qui te conseille, car cette personne, par ce conseil, elle ne veut que ton bien. Et accepte la vérité, quel que soit le rang de la personne qui te la présente. Même si en apparence cette personne elle fait plus de péchés que toi, en apparence. Même si en apparence cette personne a moins de connaissances que toi, ceci ne doit pas être une cause t'empêchant d'accepter le conseil et de te rappeler de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne dois pas regarder la grandeur ou la bassesse de celui qui te porte le conseil, mais tu dois tenir compte et prendre en considération la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala à qui tu désobéis. Et ceci fait donc partie des caractéristiques des vrais croyants. La deuxième caractéristique, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Et lorsqu'on leur récite ces versets, c'est-à-dire les versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela fait augmenter leur foi. Ils augmentent en termes de foi. C'est-à-dire que lorsqu'ils écoutent les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont foi en ces versets et ils se soumettent à ce qui est mentionné dans ces versets. Ils obéissent à ses ordres et ils délaissent ses interdits. Ceci donc, cela fait quoi? Cela fait augmenter leur foi. Et ceci est une preuve que la foi augmente et diminue. Et telle est la croyance des gens de la sunna au sujet de la foi. Elle augmente par les bonnes actions et elle diminue par les mauvaises actions. Plus tu vas faire de bonnes actions, plus ta foi va augmenter, bi'idhnillahi ta'ala. Et plus tu vas commettre de péchés ou délaisser les bonnes actions, plus ta foi va diminuer. Et le musulman, il doit sans cesse être attentif à cela. Attentif à ce qui fait augmenter sa foi et ce qui la fait diminuer. Lorsque tu ressens une baisse de foi, tu dois t'empresser de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Délaisser les péchés, délaisser les mauvaises actions et multiplier les œuvres de bien afin de faire monter ta foi. Et ne pas rester insouciant de cette situation. Car si tu ne te ressaisis pas, alors la foi, elle va continuer de baisser, de baisser, de baisser, et ainsi de suite. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de nous aider à faire les causes pour faire augmenter notre foi. Et ceci, c'est également une preuve qu'il est possible pour toi de profiter de la lecture du Coran lorsqu'il est lu par autrui, plus que tu n'en profites lorsque tu le récites toi-même. En effet, médite sur ce verset. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ. Lorsqu'on leur récite ces versets, lorsque tu entends les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, que quelqu'un les récite, il est possible que ceci est un impact plus grand sur toi que si tu les récitais toi-même. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ordonnait parfois à certains de ses compagnons de réciter le Coran, comme il est rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala, qu'il a un jour ordonné à Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu de réciter pour lui le Coran. Alors Abdullah ibn Mas'ud lui a dit: comment pourrais-je te réciter le Coran alors que c'est sur toi qu'il est descendu? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: j'aime l'écouter d'autres que moi. Alors Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, lui a récité des versets de Sourate An-Nisa jusqu'à ce qu'il arrive au verset 41, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit de s'arrêter. Abdullah ibn Mas'ud dit alors qu'il a regardé le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète était en train de pleurer. Sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait donc partie de la sunna, qu'une personne lise le Coran et que d'autres s'assoient et l'écoutent afin de profiter de cette récitation. La troisième caractéristique des vrais croyants qui est mentionnée dans ce verset et qui est la raison pour laquelle le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné ce verset dans ce chapitre, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans celui-ci wa'ala rabbihim yatawakkalun, et en leur Seigneur ils placent leur confiance. Comme on a dit, le fait que en leur Seigneur cela est mentionné avant, cela nous indique que c'est seulement en leur Seigneur qu'ils placent leur confiance. Ils s'en remettent totalement à lui subhanahu wa ta'ala, tout en faisant les causes légitimes pour atteindre leurs objectifs. Et ceci est la réalité du tawakkul. Et parmi les causes, il n'y a pas que les causes matérielles, mais il y a aussi certaines causes qui sont des causes religieuses. C'est pour cela que les deux caractéristiques suivantes, certains savants ont mentionné que celles-ci font partie des causes qui te permettent de concrétiser le tawakkul. Et les deux caractéristiques suivantes, c'est quoi? Alladhina yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ceux qui accomplissent la prière, c'est-à-dire qu'ils l'accomplissent de la meilleure manière, en remplissant ses conditions, ses piliers, ses obligations, et en veillant à accomplir dans celle-ci ce qui est recommandé et à délaisser ce qui est détestable, et qui dépensent de ce que nous leur avons accordé, c'est-à-dire de la subsistance que nous leur avons accordée, ils la dépensent dans le bien, dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils la dépensent pour leurs besoins, pour les besoins de leur famille, et avec celle-ci, ils font des aumônes afin d'obtenir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait donc partie des plus grandes causes qu'il est nécessaire pour le croyant de remplir, de se soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'accomplir ses ordres et délaisser ses interdits, comme le fait d'accomplir la prière, de donner l'aumône, et ainsi de suite parmi les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas penser que les causes, ce sont seulement les causes matérielles. Quelqu'un qui accomplit beaucoup de causes matérielles, mais qui se détourne d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'est pas assidu dans ses adorations, qui fait beaucoup de péchés, il n'y a pas de doute que celui-ci sera moins à même d'obtenir la réussite de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui est vertueux, qui est assidu à ses prières, assidu à se soumettre aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui veille à s'écarter des péchés et des interdits, alors celui-ci est plus à même d'obtenir la réussite de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce même dans ses affaires mondaines. Médite à ce sujet sur ce hadith qui nous est rapporté concernant le récit de deux frères. L'un d'entre eux travaillait et subvenait aux besoins de son frère qui, lui, restait auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam afin de profiter de sa compagnie, de sa science et d'apprendre la religion. Alors un jour, le premier est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre du second, en lui disant que lui il travaillait alors que l'autre était toujours en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que c'est lui qui subvenait à ses besoins. Méditez sur la réponse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donnée. Il se peut qu'on te donne ta subsistance par sa cause. C'est-à-dire que le fait qu'il recherche la science, qu'il tienne compagnie au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une cause religieuse immense. Et étant donné que tu subviens à ses besoins, il se peut que c'est pour cela que tu obtiens ta subsistance, afin de pouvoir subvenir aux besoins de ce dernier. Et ceci est un hadith immense en ce qui concerne l'accomplissement des causes. Ne pas penser que les causes sont seulement les causes matérielles. Mais la cause la plus immense, c'est que tu concrétises ta foi, que tu te soumettes aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu accomplisses ses ordres et que tu délaisses ses interdits. C'est pour cela, par exemple, qu'en ce qui concerne la hijra, l'émigration pour Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant une terre de mécréance pour une terre d'islam, beaucoup de personnes s'interrogent au sujet des causes à accomplir pour se soumettre à cet ordre immense. Et il n'y a pas de mal à se renseigner sur les causes matérielles, tant qu'il n'y a pas d'excès en cela. Toutefois, on constate que les causes religieuses sont souvent omises. Et comme on a dit, ceci est la base. C'est le plus important. Car le vrai muhajir, c'est quoi? Comme l'a défini le prophète sallallahu alayhi wa sallam, C'est celui qui délaisse ce qu'Allah et son messager ont interdit. Donc la hijra, cela ne consiste pas simplement à déménager d'une terre à une autre, mais cela a un sens bien plus large que cela. Que tu délaisses ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son messager sallallahu alayhi wa sallam ont interdit. Que tu délaisses les péchés. Que tu concrétises ta foi. Que tu lies ton cœur à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu te cramponnes à sa religion. Que tu te cramponnes au livre d'Allah. Que tu te cramponnes à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Que tu fasses des efforts pour apprendre ta religion. Pour évoluer dans celle-ci. Pour ne pas rester sans cesse au même niveau, ou pire encore, à régresser avec les années, car les causes religieuses ce sont les plus importantes. Car plus ta foi va augmenter, plus tu auras confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, plus ta foi va augmenter, plus ta foi sera haute, plus ceci va te pousser à faire des œuvres de bien. Et inversement, plus la personne va commettre de péchés, plus sa foi va diminuer, plus sa certitude va diminuer, et plus sa confiance en Allah va s'affaiblir. Il faut donc sans cesse se rappeler que la base et d'accomplir les causes religieuses et de faire suivre cela par les causes matérielles. Quoi qu'il en soit, on voit dans ce verset qu'il fait partie des caractéristiques des vrais croyants, qu'ils placent leur confiance en leur Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'ils placent leur confiance seulement en Allah et non pas en autre que lui. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné un troisième verset, qui est le verset 64 de Sourate Al-Anfal, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya ayyuha an-nabi, hasbuka Allah wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Ô prophète, Allah te suffit ainsi qu'à ceux qui te suivent parmi les croyants. On voit donc dans ce verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui indiquant très clairement qu'il lui suffit. C'est-à-dire Allah seul te suffit. Il te suffit en toutes choses, subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui t'apporte ta subsistance, c'est lui qui te secourt, c'est lui qui te protège du mal de tes ennemis, c'est lui qui te protège de leurs nuisances, et ainsi de suite. Allah te suffit, ainsi qu'à ceux qui te suivent parmi les croyants. C'est-à-dire que ceux qui suivent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à eux également, Allah seul leur suffit. Et ils n'ont pas besoin d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ils placent leur confiance seulement en lui, tout en accomplissant les causes légitimes pour atteindre leurs objectifs. Ensuite, le shir, rahimahullah ta'ala, a mentionné un quatrième verset qui vient confirmer ce qu'il y a dans celui-ci et qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 3 de sourate At-Talaq, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, alors il lui suffit. Si tu places ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, que tu concrétises cela de manière véridique, alors Allah subhanahu wa ta'ala te suffit pour atteindre ton but. Allah subhanahu wa ta'ala te facilitera dans tes affaires. Il se peut que tu rencontres certains obstacles. Il se peut que tu subisses certains préjudices. Il se peut que les choses que tu cherches à atteindre, tu ne les obtiennes pas dans l'immédiat. Mais Allah subhanahu wa ta'ala te suffit. Tu dois donc t'en remettre seulement à lui subhanahu wa ta'ala. Que ce soit pour obtenir le bien ou pour repousser le mal. Si tu vois également que les gens du mal se réunissent contre toi, que les ennemis de cette religion rusent nuit et jour contre celle-ci, qu'ils cherchent à éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et à stopper la propagation de cette religion et à empêcher les croyants de mettre en pratique cette religion comme il se doit et qu'ils s'entraident pour cela avec certaines personnes parmi les gens de l'égarement ou parmi les hypocrites, pour atteindre leurs objectifs, tu ne dois pas désespérer, mais tu sais avec certitude qu'Allah subhanahu wa ta'ala secourt sa religion. Et tu places ta confiance seulement en lui. Tu n'attends rien, ni aide, ni secours de personne d'autre que d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Il lui suffit contre tout mal. Il lui suffit contre toute ruse. Il lui suffit contre tout stratagème, il lui suffit contre tout ennemi, il lui suffit contre toute manigance contre lui-même ou contre sa religion. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous suffit. Et il secourt sa religion. Et comme on a dit, ceci ne veut pas dire que tu ne subiras pas certains préjudices. Comme on l'a mentionné dans des cours précédents, Allah subhanahu wa ta'ala, il distingue le véridique du menteur par ses épreuves. afin de voir qui sont ceux qui sont véridiques dans leur foi et qui sont ceux qui restent fermes et patientes sur leur religion et placent réellement leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on comprend de ce verset que celui qui ne place pas sa confiance en Allah, alors celui-ci est abandonné et livré à lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh » et celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. On comprend donc, et celui qui ne place pas sa confiance en Allah, Allah l'abandonne. Allah le livre à lui-même. Allah le livre à sa propre personne. Il est donc abandonné. Et il n'y a pas de doute que celui dont telle est la situation, il ne pourra pas atteindre ses objectifs, il ne pourra pas obtenir le bien, ni repousser de lui le mal, car il s'est éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala en plaçant sa confiance en autre que lui. Ensuite, le cheikh rahimahullah ta'ala a mentionné une parole d'Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma qui a dit « Hasbunallah wa ni'mal wakil » Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Cette parole a été prononcée par Ibrahim alayhi salam lorsqu'on le jeta dans le feu. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'il a appelé son peuple au tawhid, qu'il les a appelés à délaisser l'adoration des statues, qu'il a cassé les statues de sa main, qu'il leur a exposé la vérité, transmis le message de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, leur a ordonné de vouer un culte exclusif à Allah, de délaisser le shirk, le polythéisme et le fait de donner des associés à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rusé contre lui. Ils ont ordonné de faire un feu immense afin de le jeter dedans et de le brûler. Ibrahim alayhi salam, lorsqu'ils l'ont pris pour le jeter, qu'est-ce qu'il a dit? Regardez comment était la situation des prophètes alayhimus salatu wassalam, qui ont pleinement concrétisé le tawakkul et qui ont toujours gardé une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle que soit la situation. Ils le prennent, ils le jettent dans le feu. En apparence, il n'a plus aucun moyen de s'en sortir. Il n'y a plus aucune cause matérielle lui permettant de se sortir de ce mal et de cette nuisance. Mais Ibrahim alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Allah me suffit et vous ne pouvez me causer aucun tort si ce n'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toute chose. Ibrahim alayhi salam a donc placé sa confiance en son Seigneur et son Seigneur a transformé ce feu en fraîcheur salutaire. Voyez donc l'importance, à travers cela, de ne pas s'en remettre seulement aux causes matérielles. Celui à la foi faible, s'il se retrouve dans une telle situation, il ne verra que la mort devant lui. Il se peut qu'il désespère du secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certaines personnes, lorsqu'ils voient les épreuves s'accumuler, les difficultés augmenter, ils pensent qu'il n'y a plus d'issue, oubliant que toutes les choses sont entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'Allah est capable de toutes choses. Il est celui qui a transformé un feu ardent en fraîcheur salutaire pour préserver son bien-aimé Ibrahim alayhi salam. Il est donc capable de toutes choses et de transformer toute situation afin de préserver ses serviteurs croyants qui placent réellement leur confiance en lui. Donc Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il nous informe que cette parole, elle a été prononcée par Ibrahim alayhi salam à ce moment-là, et il dit ensuite, et elle a été prononcée par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'ils lui ont dit Inna nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Les gens se sont réunis contre vous, alors craignez-les. Ceci fit augmenter leur foi. Et ils ont dit Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est notre meilleur garant. Vous rappelez dans le cours précédent, on a mentionné le récit de la bataille d'Uhud, lorsque les musulmans ont subi une défaite, que nombreux parmi eux sont morts et que nombreux ont été blessés. Après cela, les polythéistes de Quraysh ont voulu revenir à eux pour en terminer avec eux. Alors qu'ils étaient sur la route, ils ont rencontré un groupe de gens qui se rendaient à Médine. Ils leur ont alors dit, dites à Mohammed et ses compagnons que nous sommes en train de revenir et que nous allons en terminer avec eux. Alors, ce groupe de voyageurs est arrivé à Médine et ont transmis le message au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils leur ont dit, les gens se sont réunis contre vous, craignez-les, ils reviennent pour vous combattre, pour en terminer avec vous. Et on a vu qu'il y avait, parmi les compagnons, de nombreux blessés, qu'ils étaient fatigués de cette bataille. Malgré cela, ils se sont immédiatement levés. Ils n'ont pas craint cette menace. Fazadahum imana. Cela fit augmenter leur foi. Ils ont dit, Hasbunallah. Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Ils ont placé leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et ils ont fait les causes pour aller affronter l'ennemi. Ils se sont levés, ils sont partis malgré qu'il y avait parmi eux des blessés et ils ont été jusqu'à l'endroit qui s'appelle Hamra al-Assad. Lorsque les polythéistes ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons étaient venus à eux et qu'ils les attendaient pour les combattre à nouveau, la peur s'est installée dans leur cœur. Ils ont fait demi-tour. Et ceci nous prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala suffit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'aux croyants. Lorsqu'ils ont placé leur confiance en Allah, qu'ils ont fait les causes, Allah subhanahu wa ta'ala les a secourus sans même combattre. Mais c'est l'ennemi qui a reculé. On voit donc à travers tous ces versets l'importance pour le croyant d'avoir la certitude quant à la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car la promesse d'Allah est vérité. Allah subhanahu wa ta'ala a promis de faire perdurer cette religion, de préserver les croyants, de leur accorder leur subsistance, et ainsi de suite parmi les promesses d'Allah. Tu dois donc avoir la certitude en la vérité de sa promesse, et ne pas te focaliser sur les causes matérielles ou les causes apparentes, car Allah subhanahu wa ta'ala est capable de toutes choses. Et c'est lui qui dirige tout dans cet univers. Il ne peut se produire que ce qu'Allah veut, et ce qu'il ne veut pas, il ne se produira pas. Le croyant doit donc placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, s'en remettre à lui dans l'ensemble de ses affaires, tout en accomplissant les causes légitimes pour atteindre ses objectifs. On a donc terminé avec ce chapitre, et on verra dans le cours de demain un sujet qui est quelque peu lié à celui-ci et qui est aussi très important, et qui est le fait de ne pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah et de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On va donc s'arrêter là pour ce soir, inshallah ta'ala. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا.